Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 104. De la conservation des créatures. Dieu conserve les êtres. Rien ne rentre dans le néant. 1. Les créatures ont-elles besoin que Dieu les conserve? La foi et la raison nous obligent à croire que les créatures ont besoin que Dieu les conserve dans leur être. L'apôtre, pour exprimer cette vérité, a dit, il soutient tout par le verbe de sa puissance. Hébreux 1, 3. Une chose en conserve, une autre de deux manières, d'abord indirectement, comme un homme conserve un objet en éloignant ce qui pourrait le corrompre. Celui qui empêche l'enfant de tomber dans le feu conserve l'enfant. Dieu, en ce sens, conserve indirectement beaucoup de créatures par l'éloignement des causes destructives. Ensuite, une chose en conserve une autre directement, et c'est ce qui a lieu quand la chose point conservée, dépend si bien de celle qui la conserve qu'elle ne peut exister sans elle. Telles sont toutes les créatures par rapport à Dieu. Elles en dépendent tellement que, si son opération divine ne les soutenait, elles ne subsisteraient pas un instant. De même que la lumière du jour s'éteint aussitôt que l'action du soleil ne se fait plus sentir dans l'air, de même, dit saint Augustin, les créatures cesseraient d'exister, si la vertu de Dieu, qui les a produites, cessait de leur continuer l'être. Note. Dieu n'a pas besoin d'une action nouvelle pour conserver les créatures, il suffit qu'il continue celle qui leur a donné l'existence, ainsi la continuation de la lumière dans l'air se fait par l'influence continue du soleil. Fin de la note. 2. Dieu conserve-t-il immédiatement toutes les créatures? Il y a deux manières, avons-nous dit, de conserver une chose dans son être, d'abord indirectement, ensuite directement. Or, certaines créatures en conservent d'autres sous ces deux rapports. Dans les choses matérielles, en effet, il en est beaucoup qui empêchent l'influence des éléments corrupteurs, et qui, pour cela, sont dits agents de conservation, ainsi le sel empêche les viandes de se corrompre. On en voit également qui, quant à leur existence même, dépendent d'un être créé, car, dès que plusieurs causes ordonnées entre elles produisent un effet, il arrive que cet effet dépend primitivement de la cause première, et, secondairement, de toutes les causes intermédiaires. Dans ce cas, la cause première est, à la vérité, celle qui a le principal pouvoir de conserver l'effet, mais ce pouvoir est partagé, d'une manière secondaire, par les causes moyennes. Dieu conserve donc certaines choses dans leur être par les causes intermédiaires, et non pas immédiatement, bien qu'il soit la source première de toute conservation. 3. Dieu peut-il réduire quelque chose au néant? Quelques-uns l'ont prétendu que Dieu a donné l'existence aux créatures par la nécessité de sa nature, et qu'il ne peut en aucune manière rien anéantir. Cette doctrine est complètement fausse et tout à fait en opposition avec la foi catholique, qui, d'après cette parole du psalmiste, « Le Seigneur a fait ce qu'il a voulu », enseigne que Dieu a créé les êtres volontairement et librement. Il est manifeste qu'il pourrait ne pas leur conserver l'existence, tout aussi bien qu'il pouvait s'abstenir de les créer. 4. Est-il des choses qui rentrent dans le néant? Il est écrit, « J'ai appris que toutes les œuvres du Seigneur demeurent à jamais. » Ecclésiaste 3:14. Selon le cours naturel des choses, aucun être n'est réduit au néant, on le voit par la nature même des créatures qui sont, ou immatérielles, Et alors elles n'ont rien qui tende au non-être, ou corporel, et alors elles restent quant à leur matière, qui sert de sujet à la génération et à la corruption. D'un autre côté, réduire une chose au néant n'est pas l'objet d'une œuvre miraculeuse, puisque la puissance et la bonté divine se manifestent beaucoup mieux dans la conservation des êtres que dans leur anéantissement. Disons donc simplement que rien n'est anéanti. Note. Les formes et les accidents ne sont pas des êtres complets, parce qu'ils ne sont pas des êtres subsistants, ils ont seulement quelque chose de l'être en tant que l'on peut appeler être ce par quoi une chose est, or, ceux-ci ne sont pas même absolument réduits au néant, ils sont encore possibles dans la matière qui survit à leur destruction. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.